cherche le bonheur, le bonheur au quotidien, le bonheur au quotidien, ça peut être bien, façon de parler. La liberté n'est pas entravée. Au début, c'est toujours très bien, mais avec le temps, si l'on y prend garde, ça s'effrite. Ça s'effrite comme un vieux mur, ça s'immobilise comme on marquise, comme à l'église, et puis on n'a plus rien à se dire parce qu'on n'a pas pris la peine. Écouter l'autre, qu'on n'a pas pris la peine, qu'on a été égoïste, qu'on a fait que sa vie d'artiste, sans rien d'autre. Au carrefour des rencontres, on cherche le bonheur, le bonheur au quotidien, le bonheur au quotidien, ça peut être bien, façon de parler. Quand la liberté n'est pas entravée, tu voudrais me dire que tu m'aimes, mais rien ne vient. J'écoute une dernière chanson à la mode, tu consultes mon horoscope chinois. C'est pas facile d'être seul, c'est pas facile de vivre deux, car avant d'être à deux et ne se regarder dans les yeux, on est seul avec sa conscience, son engagement. Et si à deux, on ne voit pas le même horizon, ça ne peut durer longtemps. Au carrefour des rencontres, on cherche le bonheur, le bonheur au quotidien, le bonheur au quotidien, ça peut être bien, façon de parler.